Là, il y a Dess, paraît-il qu'un de ses chums était là. Évidemment, le courriel ne marche pas à moitié en studio. Alors, je demanderai à Dess, donne-nous un petit coup de fil sur la hotte pour nous jaser un peu. Un de ses amis était sur place. Paraît-il que les médias fraternisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Gabriel Nadeau-Dubois. Faut-il, en pleine période de Noël en plus, l'enfant Dieu devant nous, c'est sûr et certain que... Hein, comme Saint Thomas, hein, je veux toucher tes plaies. Donc les. Ben on se sent obligé d'être gentil, tu sais, puis de. Donc les journalistes qui voulaient toucher les plaies du Messie, qui a été transfiguré, mais qui va naître, rappelons-le, ça s'en vient. C'est le 24 décembre, donc la naissance de l'enfant du Christ, ouais. Tout près de l'UQAM. À surveiller, on surveille ça de près.